what your mom gets her rectum from Rim. Libro de la esencia de Dios que Santo Sifón, discípulo del apóstol Jacobo. Livre de l'essence de Dieu, que Saint Ctésiphon, disciple de l'apôtre Jacques, écriva dans sa naturelle langue arabique avec des caractères de Salomon et autres, et un autre qui s'appelle Les fondements de l'Église, qui sont dans les cavernes de ces sacromontés, Dieu libère ceux de lieu, Dieu délivre ceux de livres de l'empereur Néron. Il donna fin à cette martyre dont les œuvres qui écrivent les miracles et l'intégrité de vie de son maître sont dans les cavernes de ces sacrements. Livre de Ctésiphon Avénatar de l'essence vénérande. En fait, j'ai ouvert les livres aussi Merveilles de l'Italie où je note les titres des films des femmes mûres poilues et tout ça que j'aime le plus pour me souvenir parce que. Et je l'ouvre tel un missel pour me faire accompagner dans la lecture par quelque chose qui ne soit pas de la musique, parce qu'elle n'est plus libre de droit, mais par mon propre regard. Et je ne trouve pas le briquet, un instant. Divina estás. Preparada para el baile y en la brillante nave. Vamos a ver. J'ai du café, mais j'ai pas les briquets. Donc je vous tiens en compagnie comme ça. Comme ça, comme je peux. C'est une piste sonore qui reste expérimentale, qui reste pour écoute occasionnelle et qui traduit les livres de plomb du Sacromonte qui sont des apocryphes arabisants de l'Espagne. Qui précède l'expulsion des musulmans du royaume. Après leur conversion, il y a une expulsion et une guerre par ailleurs à Grenade à l'époque d'Isabelle la catholique. Isabelle la catholique. Et de Philippe II aussi, son fils, son successeur. Livre de Ctésiphon à Ben-Hadad, de l'essence vénérande. Il dit, durée éternelle, il y a un Dieu. C'est la première de toutes choses dont le principe n'a pas de principe ni de durée, qui est une fin. N'atteigne les nombres et les noms de sa propriété, les plus étudieux des hommes n'y vont comprendre jamais l'extension de son essence. Ceux qui ne s'employèrent à la méditation, aucun homme avoue clairement Dieu jamais. Il a son royaume dont l'infini, le pourquoi, puisque si elle finissait, elle ne serait Dieu. Et il a la gloire qui n'a pas besoin de se restaurer parce qu'il n'a pas de nécessité en lui. Il a la grandeur qui ne diminue pas. Et cela ne rentre en lui jamais. Il a sagesse sans ignorance. Il sait toutes les choses avant qu'il soit. Il est pouvoir sans limite. Il a miséricorde et grâce qui ne se remplissent. Il est justice et équité qui n'est jamais détruite. S'il a nécessité d'aucun des hommes qui soit croyant, sont les croissants de son domaine et en eux n'est pas diminution en son essence ni dans son royaume. Et tout ce qu'il a créé, il l'a créé par sa miséricorde, sa nécessité. Les choses qui ont un être et lui, il le lui donne. S'il commandasse le monde, puisque ce qu'il y a en lui s'effondre, durée de l'effondrement pendant dure son royaume, qui n'en finit aucunement. Il ne trouverait pour soi quiétude en lieu personne. Lui, il a créé toutes les choses et il n'a pas été créé. Il est sociable et il n'a pas de compagnons. Il a la science sans les supposer d'autre part que de lui-même. Il a la miséricorde sans diminution. Et avant que toutes les choses, il n'y a pas de choses aucune avant qu'il soit. Et puis que toutes les choses qu'il dont il n'y a aucune après lui. À Dieu, il n'y a pas de choses comparables. Il n'est pas un agrégé, ni un discret, ni différence, ni genre, ni investigation, ni compréhension, ni figure, ni locution, ni idiome, ni l'œuvre comme notre imagination. Il est sur nos entendements, il ne peut se dire de lui sinon gloire et compliment. Pas de diminution, et tout ce qui est en lui se trouve. Il ne comprend Dieu sinon Dieu. Qu'il soit exaucé, vénéré et chéri sur toutes les choses. Et la foi, sans cela, n'en est aucune. Qu'il est un et il en est trois. Père, Enfant, Esprit Saint. Trois personnes dans un seul Dieu et une essence à vénérer. S'il y a... Sans cela, personne est sauvé. C'était les moresques qui composaient à leur manière une Bible chrétienne pour permettre les processus de conversion se faire sans essayer d'arrêter la violence déjà de la conversion et faire avec. Donc c'est une écriture en fait qui, empruntant au genre religieux, parle plutôt aux émotions d'une population soumise à une domination. Donc, ces évangiles apocryphes, moi je les trouve très intéressants et je compte essayer de faire comme une sorte d'opéra néo-pauvre musical dans la mesure du possible avec. Merci.